Il est rentré dans la maison où le jour baisse. Il est assis au fond du métro où personne ne regarde, silence pesant. Trois mecs montent, visage menaçant à des tempes, la veste. On est à Caudel, mais lui supplie, commence à pleurer. Son père lui a offert à Noël, elle change de main. Il a beau dire que ses parents n'ont pas un sou. Au fond, tout le monde s'en fout. Les trois types, les gens autour, gratuitement la lame. Et soudain, l'opinel pénètre 10 cm dans l'abdomen. Ça fait déjà un an, il aurait 16 ans. Son père ne s'en est jamais vraiment remis. Lorsqu'il entre dans sa chambre, rien à changer, les jouets, les livres, cependant les murs sont tristes, pourquoi vivre si tu es, c'est facile, on veut tourner le couteau quand tout s'écroule d'un coup au fond de métro. Les Gida, les flics en quête bouffent des sandwichs, même sourire raconte leur vie, ils parlent même pas de lui. Il a du mal à s'imaginer, jadis son enfant innocent, en une seconde pour 400 francs, mourant dans une flaque de sang, une flaque de pleurs, une vague de peur, la bague du bonheur, fruit de l'amour, fauché par le tranchant d'une dague de malheur. C'était pas l'heure de partir, il ne lui avait pas tout dit, tant pis, ce sera au paradis. Et des remords, la racine s'élève un arbre. Et de l'arbre poussent des fleurs délicates qui viennent caresser le marbre. La nuit on assassine et chacun crie à l'aide. La nuit on assassine et chacun crie à l'aide. Encore une tombe à fleurir. Un ange part dans un dernier soupir. Un fait divers dans une ruelle. Un cri court, personne n'entend l'appel. Encore une tombe à fleurir. Un ange part dans un dernier soupir. Un fait divers dans une ruelle. Un cri court, personne n'entend l'appel. Rue sombre, éclairée au néon. Deux heures déjà qu'elle fait les 100 pas. Et dans le sac, toujours pas un rond. Trottoir, glock, bar, sale, bagarre d'ivrogne. Les talons frappent le goudron. Au feu rouge, un mec klaxonne. Elle en a marre de cet air qui passe, repasse. La condamne, blesse son âme. Et 10 mètres plus loin, se marre, ça marche pas bien aujourd'hui. Les mecs n'ont pas envie à cause de la pluie ou la vie. Le sexe perd face aux soucis. Un manteau, un parapluie, l'enfer en costume gris se rapproche. Son regard fuit, elle dit son prix. C'est parti, s'ouvre la porte, couloir vers le purgatoire. Pour elle, l'histoire tourne tel un train fantôme de foi. De sa rue au glissement des pas noirs, miroir. Dis-lui qui est la plus belle, ne la laisse pas croire. Seul le soir, que les fées se foutent d'elle. Belle au bois dormant pour un matelas sans ressort. Ancré à son sort, comme un bateau usé, jamais ne sort du port. Blanche neige à croquer le fruit amer. Sans amertume pour eux, elle n'est qu'une pute pour son fils. Elle reste une mère, une peau d'âne, princesse le jour, esclave la nuit. Mais les escarpins sont maudits, il ramène Cendrillon vers son taudis. Les murs témoins de l'étreinte, plus bref que tendre capture. Son regard rêveur, seul remède contre la démence. Sorti par la fenêtre, un cri sans bruit entre les rue sans vie, sorti par la fenêtre, un cri court dans la nuit. La nuit on assassine et chacun crie à l'aide. La nuit on assassine et chacun crie à l'aide. Encore une tombe à fleurir. Un ange part dans un dernier soupir. Un fait divers dans une ruelle. Un cri court, personne n'entend l'appel. Encore une tombe à fleurir. Un ange part dans un dernier soupir. Un fait divers dans une ruelle. Un cri court, personne n'entend l'appel.